Chapitre 18e, le monastère de Saint-Basile. L'officier donna un ordre aux soldats qui écartèrent l'obstacle placé en travers du chemin, puis il alluma une mèche qui brûlait d'une flamme rouge, éblouissante, pendant une demi-minute. « Un signal, » dit Malenkov, « c'est probablement pour annoncer notre capture. » Quelques minutes plus tard, un soldat sur chaque marchepied et l'officier assis près du chauffeur, la voiture démarra. Arrivée au croisement tant cherché par Malenkov, elle tourna à gauche et s'engagea dans une route étroite. « Je serais bien étonné s'il rattrapait notre brave ami, » dit la jeune fille. « En tout cas, ils le payeront cher, » répliqua Malcolm, « car Chéri ne se laissera pas désarmer comme nous. » Au-devant d'eux, sur la colline de droite, une douzaine de feux montraient l'emplacement du camp. Ils semblaient de grande importance, et Malenkov devina que ce devait être le lieu de rassemblement des Rouges. C'était un étrange voyage. Les captifs roulaient en pleine nuit, cahotés, la figure d'un gardien s'encadrant à chaque portière. Tout à coup, un des soldats tomba. Étant donné l'allure de l'auto, ils s'attendaient à le voir ressauter sur le marchepied, mais à leur grande surprise, il ne reparut plus. Quelques instants après, un accident semblable arriva à l'autre soldat. Subitement, il lâcha prise et tomba en arrière. « Que diable leur arrive ?» commença Malcolm. « Regardez !» chuchota Irène. Un pied, puis une jambe arrêtée par la portière, venant du toit. Un autre pied suivit, enfin la masse d'un corps, dans l'obscurité. C'était Chéri. Doucement, le petit homme se faufila dans l'intérieur et s'approchant de l'officier dont la tête était tournée vers le chauffeur. « Stoy, Ruski !» dit-il. « Arrête !» C'était l'un des quatre mots de russe qu'il savait. Le chauffeur obéit, juste au moment où la route se séparait en deux, l'une menant vers la droite, sans doute au camp, l'autre descendant vers la vallée brumeuse. L'officier qui avait vu le revolver de l'Américain fit ce qu'il y avait de plus sensé en pareille circonstance. Il leva les mains, laissant tomber son arme au pied du chauffeur. Lestement, Bim le débarrassa de ses autres moyens de défense. Pendant ce temps, Malcolm avait sauté de la voiture et eut un bref conciliabule. Abandonner l'homme sur place pouvait amener des ennuis, le tuer répugnait même à Cheribem. « Le mieux est de l'emmener avec nous, » déclara Malenkov. « Il y a bien des endroits où nous pourrons le déposer dans la nuit, et tant qu'il ne saura pas quel chemin nous prenons, je ne crois pas qu'il puisse être dangereux. » L'officier montra autant de philosophie que le chauffeur l'avant-veille. « Je ne vous en veux pas, petit général, » dit-il. « J'obéis aux ordres de mes chefs comme tout bon soldat. Pour moi, je crierai aussi volontiers « Vive le tsar » que « Vive la Révolution ». Si vous quittez la Russie, je serai content de vous accompagner et je puis dès à présent vous être utile car je connais la façon dont on a préparé votre arrestation. À chaque route, même à celle que vous allez prendre, il y a une barrière. À moins, ajouta-t-il, pensif, qu'on ne l'ait enlevé à cause du commissaire Bulba. Il doit arriver par ici, demanda Malcolm. Sans doute. Vous m'avez vu allumer un signal tout à l'heure. C'était pour prévenir le camp que vous étiez pris. On a dû télégraphier la nouvelle à Moscou et Bulba viendra pour juger les hommes et emmener sa femme. Ce qu'il disait avait toutes les apparences de la vérité. « Quelle route doit-il prendre ?» demanda Malenkov. « La route de Tver, la plus directe de Moscou, et nous pouvons le rencontrer d'un moment à l'autre. » Au prochain croisement, il y a quatre soldats et un officier, mais pas de barricade. Si vous me laissez parler, je leur raconterai un mensonge quelconque. Je leur dirai que nous allons au-devant de Bulba. Malenkov se tourna vers ses compagnons. « De toute façon, dit-il, nous sommes entre les mains de cet homme. Mon avis est qu'il faut accepter son offre. » L'auto fut donc remise en marche et Chéri, qui avait pris place dans l'intérieur, expliqua la façon dont il avait disparu. « J'ai vu les premières ombres de soldats que nous avons croisés et dès que l'auto a stoppé, j'ai compris pourquoi. Alors, quittant mes chaussures, j'ai grimpé sur le toit en vitesse. Pour le reste, ce n'était pas plus difficile que d'avaler un chou à la crème. » « Vous n'avez pas tué les soldats qui se tenaient sur le marchepied, n'est-ce pas ?» dit Malcolm. « Je n'ai entendu aucune détonation. » Chéri haussa les épaules. « Pourquoi les tuer ?»« Je n'ai eu qu'à me pencher à leur donner un petit coup de crosse sur la tête. Ils vont se réveiller en disant « Où suis-je, nurse ?» En une demi-heure, ils furent à la croisée des chemins annoncés, et les quatre sentinelles apathiques s'écartèrent sur un mot de l'officier rouge afin de laisser passer les voyageurs. Maintenant, ils tournaient le dos à la route par laquelle ils étaient venus et suivaient parallèlement la voie du train que Bulba, selon les pronostics de l'officier, devait prendre pour les rejoindre. Jusque-là, l'auto avait marché sans accroc, mais à 30 km du camp, les pneus de devant crevèrent. L'incident aurait pu être de peu d'importance puisqu'il y avait deux roues de rechange. Malheureusement, on découvrit que l'une d'elles était déjà hors d'usage. Il n'y avait qu'une chose à faire, pousser la voiture dans un champ, voiler les fenêtres et laisser au chauffeur le temps de réparer la chambre à air. Après lui avoir donné une lampe, ils le laissèrent avec l'officier qui avait offert son aide, puis se mirent à marcher sur la route dans le faible espoir de découvrir quelques fermes ou quelques cottages où ils pourraient renouveler leurs maigres provisions de bouche. Au bout d'une demi-heure, ils aperçurent un bâtiment écarté dont ils approchèrent avec précaution. Le petit groupe pénétra dans un hall de pierre après une hésitation de quelques minutes. La chambre était brillamment éclairée et de leur place, les visiteurs pouvaient apercevoir les nombreuses lampes suspendues au plafond. Malcolm entra le premier. La pièce, quoique nue, était belle. Devant un grand feu de bois allumé dans la cheminée, un homme se tenait debout, les mains dans les poches, dans une attitude de contemplation. Il était vêtu d'une vaste capote militaire bleue dont le capuchon était rabattu sur sa tête. Malcolm s'approcha de lui. « Excellence, commença-t-il, nous sommes des voyageurs qui désirent... » L'homme se retourna lentement. « Oh, vous désirez quelque chose, camarade Hay. Eh bien, je vais vous dire ce que je désire, moi. C'est mon beau petit agneau, ma petite femme. » C'était Bulba. Cherubim, qui était entré le dernier, fonça vers la porte, mais il se trouva face à face avec le canon d'un revolver, une sentinelle étant postée là sans doute, pour répondre au premier appel de Bulba. Cherry n'eut que le temps de s'aplatir sur le sol pour éviter la balle qui passa au-dessus de lui. En tombant, il fit feu et l'homme s'écroula. Alors Bim fit un nouveau bond hors de la pièce. Bulba était resté seul, il rugissait, tempêtait, en longeant les murs à tâtons pour faire le tour de la chambre. « Où sont-ils? Où sont-ils? Venez ici, ma petite beauté. Quant à Hay, je le ferai brûler vif. Où êtes-vous tous ?»« Petit commissaire, » dit le chef des soldats en accourant de la pièce, « personne n'est sorti d'ici, j'en suis sûr. »« Cherche alors, chien que tu es !» hurla Bulba en le frappant. « Cherche donc, il y a une porte dans le mur près de la cheminée. Est-elle ouverte ?» Le soldat courut à la porte qui se trouvait dans l'ombre. « Elle est ouverte, camarade !» Alors poursuite, alors, alors poursuite, maintenant !» Bulba paraissait fou furieux, et de terreur, le chef s'élança vers l'issue désignée. Cherry, lui, avait compris. Tout disait que Bulba avait fait du monastère son quartier général en attendant des nouvelles des fugitifs. Ce n'était pas 20, mais 200 soldats qui pouvaient surgir d'un moment à l'autre. Sans hésiter, il rejoignit la route sans avoir rencontré aucune sentinelle. Alors il marcha dans la direction de l'endroit où l'auto était resté. Soudain, il heurta du pied quelque chose. Se baissant, il le ramassa. C'était un petit paquet recouvert de toile, de la forme d'un livre, et se souvenant des bribes de conversation qu'il avait entendues entre Irène et Malcolm, il devina qu'il avait entre les mains le livre magique. « Quelle imprudence !» dit Jerry en le fourrant dans sa poche. Mais cette découverte prouvait clairement une chose, ses compagnons avaient fui. Du reste, l'auto n'était plus là. L'obscurité profonde empêchait qu'on distinguât les traces des roues, seulement un bidon d'essence vide et une vague odeur de caoutchouc brûlé ne laissaient aucun doute sur l'emplacement abandonné. Bim fit appel à toute sa philosophie. Il était seul, dans un pays inconnu, poursuivi par la justice, et la contrée fourmillait de soldats. Le mieux était de refaire en sens inverse le chemin qu'ils avaient parcouru en auto. Le petit homme s'engagea résolument dans un passage où des rails le révélèrent qu'il était sur un chemin de fer. Comme il se penchait sur la voie, il aperçut, dans le lointain, une rangée de lumière qui se déplaçait. C'était un train. Bim comprit qu'il suivait une courbe, car les lumières s'éteignirent une à une jusqu'à ce qu'il ne restât que celle de la locomotive. Alors, il se pencha de nouveau et distingua sur la gauche, à moins de 200 mètres, le quai d'une gare. Malenkov avait parlé en effet de la ligne de Varsovie. Cherubim courut comme un fou dans cette direction, trébuchant dans les flaques, se heurtant aux buissons et grimpa enfin sur le quai de la petite station. Maintenant il s'agissait de monter dans le train, chose presque irréalisable s'il marchait à toute vitesse. Au grondement sourd qui annonçait son approche, Bim, qui pouvait évaluer l'allure d'un train à 1 mille près, comprit que c'était un rapide. Comment le faire ralentir ? Cherry fouillait dans sa poche et y trouva une allumette, mais il ne fallait pas songer à faire un feu de joie sur le sol trop humide, et puis où trouver un morceau de papier. Tout à coup, une idée lui traversa l'esprit, le livre. D'un geste vif, il le tira de sa poche. déchira la toile avec son canif et essaya de l'ouvrir. Il était fermé par une serrure. Mais une serrure, pour Bim, c'était comme une croûte de pâté, une chose faite pour être brisée. Un coup de pouce et la ferrure tomba. Il arracha les 3 ou 4 premières pages, frotta l'allumette et en approcha la flamme. Comme elle touchait le coin du papier, ses yeux tombèrent sur les mots imprimés. Il resta bouche béante, regardant les feuillets se consumer en se tordant, jusqu'à ce que l'allumette lui brûla les doigts. Il la jeta et demeura immobile, comme hébété. Mais la petite flamme avait été aperçue et un grincement des freins le tira de sa stupeur. Chéri fourra le reste du livre dans sa poche et courut le long du quai à la rencontre du rapide. Il s'arrangea pour laisser passer le convoi sans être aperçu, puis, rampant vers la dernière voiture, il sauta, saisit la rampe de fer et, se hissant sur les marches, il atteignit le toit du wagon au moment où le train s'arrêtait. Il y eut une confusion de voix, des explications, des ordres, puis le train s'ébranla de nouveau et reprit de la vitesse. Chéri eut alors le temps de réfléchir. Le jour n'était pas encore venu lorsqu'on s'arrêta à une petite station et Bim, se penchant sur le bord, aperçut un groupe d'officiers descendus pour se dérouiller les jambes. Tout à coup, le chef de garde vint à eux en gesticulant et se mit à parler avec volubilité. Il semblait demander quelque chose en s'excusant et son ton était presque craintif. Alors, à sa stupéfaction, Bim entendit la réponse faite en anglais. « Oh, je vous comprends. Laissez-le venir, général. Je ne voudrais pas abandonner un chien dans ce pays. Vraiment, non. »« Mais ce sera contre toutes les règles de la diplomatie, » protesta un autre officier dans la même langue. « Mince alors !» murmura Bim, suffoqué. Sur la route, aboutissant la cour de la gare, il venait d'apercevoir l'auto. Les lumières du train étaient assez puissantes pour qu'il n'y eût pas de doute. D'ailleurs, presque au-dessous de lui, derrière le chef de gare, un petit groupe s'avançait dans l'ombre. « C'est une question de vie ou de mort, » dit la voix de Malcolm. « Je dois envoyer cette dame à la frontière polonaise. C'est, je vous assure, un acte d'humanité. »« Anglais, hein ?» répondit celui qu'on appelait le général. « C'est bien, je vous prends à bord. » Devant tout le monde, Malcolm prit la jeune fille dans ses bras. « Montez, chérie. »« Je ne puis partir sans vous, » dit-elle. Il secoua la tête. « Malenkov et moi vous suivrons un peu plus tard. Nous allons retourner chercher Chéri. Nous ne pouvons l'abandonner ainsi. Je suis sûr qu'il a trouvé moyen de s'échapper. »« Non, mon ami, je ne veux pas partir sans vous, » répéta Irène avec fermeté. « Il faut que vous veniez tous ou que vous restiez tous, » interrompit le général anglais avec vivacité. « Nous n'avons pas de temps à perdre, vous comprenez ?» ajouta-t-il en manière d'excuse. « Ce train ne nous appartient pas, c'est celui de la commission polonaise. » Nous sommes chargés des clauses économiques des négociations et en avons fixé les termes entre l'armée rouge et la Pologne. Il est donc très irrégulier que nous emmenions des réfugiés de ce pays. Partez. Malcolm entendit ce mot venant du ciel comme un soupir et eut toutes les peines du monde à ne pas lever les yeux, mais se souvenant de l'auto et de la mystérieuse et providentielle intervention de Dim, il n'hésita plus. Très bien, nous partons, dit-il tout de suite. Venez, Malenkov, je vous expliquerai mes raisons en wagon. Un coup de sifflet perçant, une secousse et le train partit. Avant que le dernier wagon eût quitté le quai, une grande auto de tourisme entra dans la cour de la gare, renversant la frêle barrière de bois et pénétrant jusqu'au quai même. « Stoy ! Stoy ! Arrêtez ! Arrêtez !» Boulba, debout dans la voiture, et les bras tendus se dressaient, éclairés par la lumière des phares. Chéribim se leva sur les genoux, se raffermit, un, deux... Trois fois, il fit feu et Boulba fit un plongeon hors de la voiture, mort. « Décidément, » dit Bim, « ce revolver n'est pas mauvais. »